Altesse, Smog da Corax. Tu crois me connaître, hein? J'avoue que des fois c'est dur, et puis y'a beaucoup de gens qui parlent. Laisse-les croire, laisse-les parler, tu sais tout ça m'est égal. Je me sens bien que quand y'a du bon son à kicker. Rester cool, mais rien ne m'empêche d'être appliqué. Là où je décris le mal-être sur mes pages, nuit après nuit où j'écris démêlant le langage. C'est plus qu'une vie qui file sur les feuilles de mes cahiers. Je préfère rester carré que pour les vifs à mes cahiers. Mais je suis comme toi, moi aussi des fois la rage m'appelle. Oublie que tu parles, parle-moi pour partager ta peine. Et je me rappelle que les hommes sont des caricatures. Je reste unique, je revendique, écoute mon écriture. Tu sais le rap, c'est facile, suffit de savoir écrire. Pourtant la plume, beaucoup ne savent pas la faire fléchir. Tu crois me connaître, réfléchis. Ne pas courber les chines devant le shit, c'est plus dur que je l'imagine. N'écoute pas tous tes discours, ma vie c'est mes boys. Je ne vois pas tout ce qui m'entoure, ma vie c'est la boy. Tu crois me connaître, même si on se voit tous les jours. Rêve de gosse partagé en bas des tours. Je n'écoute pas tous tes discours, ma vie c'est mes boys. Je ne vois pas tout ce qui m'entoure, ma vie c'est la poème. Tu crois me connaître, même si on se voit tous les jours. Rêve de gosse disparu en bas des tours. Je maintiens la forme et la firme. Je travaille le fond, pas la frime. Ça casse des bouches pour qu'il la ferme. À qui le crime paie, ma rime crispée. Facho ne me regarde pas avec ce visage crispé. J'ai trop de respect, même s'il se perd, je perds ses vers. Un crunching perd en mémoire pour ma mère. Inculquer à mes mômes des repères, malgré les remparts à jamais dans leur vie, tant que je pourrais en prendre part. Je participe, anticipe, évite les choses qui me dissipent. J'ai trop de responsabilités pour finir en slip. La maille part si vite, donc faut courir si elle nous évite. Je porte la vie à bout de bras, elle me lâchera quand elle voudra. Tant pis si elle me fout droit de moi. Elle n'obtiendra pas de mea culpa. Ma barque j'avère parfois mais elle ne coule pas. Je n'écoute pas tous tes discours, ma vie c'est mes boys. Je ne vois pas tout ce qui m'entoure, ma vie c'est la boy. Tu crois me connaître, même si on se voit tous les jours. Rêve de gosse partagé en bas des tours. Je n'écoute pas tous tes discours, ma vie c'est mes boys. Je ne vois pas tout ce qui m'entoure, ma vie c'est la poème. Tu crois me connaître, même si on se voit tous les jours. Rêve de gosse disparu en bas des tours. Vous croyez me connaître, mais vous vous trompez. Par contre moi je vous connais, vous vous nommez les préjugés. On se demande à chaque fois si ici on a notre place. Mais c'est dur de la trouver, ils sont tous remplis de crasse. Mais pourquoi tu me juges, pourquoi tu me prends du doigt. Il a fait ci, il a fait ça, mais tu ne sais rien de moi. Mais pourquoi ai-je ce sentiment de regret. J'essaie souvent de sourire, mais mon cœur est une plaie. On m'a injuré le voyou parce que je côtoie la misère. Parce que je traîne dans la demeure, parce que je vis en temps de galère. On me voit comme un bandit, sans peine, sans douleur. Sans regret, sans mal de vie, sans blessure intérieure. Même si j'ai grandi entre l'enfer et le paradis, entre les anges et les démons, entre les larmes et les cris. J'ai écrit des choses que par rapport à moi vous ne savez pas. Alors faute de mytho, taisez-vous car vous ne connaissez pas. Je n'écoute pas tous tes discours, ma vie c'est mes boys. Je ne vois pas tout ce qui m'entoure, ma vie c'est la boy. Tu crois me connaître, même si on se voit tous les jours. Rêve de gosse partagé en bas des tours. Je n'écoute pas tous tes discours, ma vie c'est mes boys. Je ne vois pas tout ce qui m'entoure, ma vie c'est la boy. Tu crois me connaître, même si on se voit tous les jours. Rêve de gosse disparu en bas des tours. Je n'écoute pas tous tes discours, ma vie c'est mes boys. Je ne vois pas tout ce qui m'entoure, ma vie c'est la boy. Tu crois me connaître, même si on se voit tous les jours. Rêve de gosse partagé en bas des tours. Je n'écoute pas tous tes discours, ma vie c'est mes boys. Je ne vois pas tout ce qui m'entoure, ma vie c'est la poème. Tu crois me connaître, même si on se voit tous les jours. Rêve de gosse disparu en bas des tours.